Michel à fendre des cailloux. Il y a du blanc jusque sur la mer. Le ciel touche la terre au bout. Dehors il fait un froid de chien, un froid de chagrin de décembre. Et de tous les côtés s'éteint le feu qui couve sous la cendre. Et pourtant j'ai chaud, je suis le sang et l'eau, je brûle à l'intérieur, juste à l'endroit du cœur. Pourtant, moi j'ai chaud, j'ai le bon traîner dehors. Les heures durent des années, les quatre points marquent le nord. Le blizzard cogne à la fenêtre, il y a du givre sur les étoiles. Même le jour se retient de naître pour ne pas déchirer la toile. Pourtant, pourtant, moi j'ai chaud, je suis le sang. Juste à l'endroit du cœur. Et pourtant, moi j'ai chaud, j'ai le